Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je reprends le fil après Alain pour cette introduction du séminaire. Comme l'a indiqué Alain, cette séance sera entièrement consacrée à la série « Le lion, sa cage et ses ailes », qui est une série de films qui a été réalisée entre 1975 et 1977 à l'initiative d'Armand Gatti, Hélène Châtelain et Stéphane Gatti. Une série qui a été réalisée avec les travailleurs immigrés de Montbéliard, du pays de Montbéliard, ce qui représentait à peu près une dizaine de nationalités, mais au final 6 films qui seront réalisés donc avec ces différentes communautés. La plupart de ces travailleurs sont OS chez Peugeot à Sochaux, mais aussi manœuvres dans le bâtiment. Certains sont à la retraite, d'autres licenciés. Donc l'expérience se déroule entièrement dans un milieu totalement ouvrier, avec une population immigrée à 90%, et un film sera réalisé par communauté, 6 films au total, un film polonais, un film marocain, un film espagnol, un film géorgien, un film yougoslave et un film italien. Donc 6 communautés, 6 films, et comme le note Nicolas Hatzfeld dans un article dont je reparlerai dans un instant, que nous allons accueillir, l'exotisme d'emblée est planté au cœur de la ville franc-comtoise. 10 Montbéliards vivent côte à côte, à longueur d'année ou bien d'existence, sans se rencontrer. Donc cette pluralité sera précisément au cœur de la série. Le projet est également pleinement ancré dans le contexte de l'après-mai 68. Il s'agit d'une expérience originale de création collective, une expérience qu'on peut véritablement qualifier d'hors norme, 5h30 au total de projection, et une expérience qui se distingue par un double statut que l'on souhaiterait interroger ce soir, à la fois vidéo militante sur la condition ouvrière et vidéo d'auteur, dans une démarche qui a été voulue et vécue à la manière de celle d'un écrivain public. On reviendra là aussi, je pense, sur cette démarche. Donc cette série représente un objet tout à fait singulier qui, par sa forme, par ses enjeux, ouvre sur de multiples problématiques qui ont été abordées tout au long de cette année dans le séminaire. C'est pour cette raison que nous avions souhaité conclure cette année avec ce film. Alors, en compagnie de nos invités, en nous penchant sur le contexte de fabrication du lion, sa cage et ses ailes, nous essaierons précisément de saisir la spécificité de la démarche proposée ici, et qui, pour reprendre les mots d'Anne-Marie Duguet dans son ouvrage « Vidéo la mémoire au point », je cite, « n'a rien de la traditionnelle démarche culturelle. Elle ne cède pas à la démagogie de l'expression spontanée, nourrissant les habituelles mystifications ouvriéristes. » Elle ne cherche pas non plus à recueillir et restituer fidèlement une parole opprimée qui existerait dans une quelconque antériorité, prête à être livrée et consommée. Ce n'est pas davantage une enquête sociologique systématique, soucieuse de l'authenticité des sources, pratiquant l'échantillonnage et l'étalonnage. Alors, le principe de cette séance, nous allons effectivement pouvoir donc évoquer cette expérience avec Stéphane Gatti, l'un des co-réalisateurs de la série, et également nous pourrons avoir le regard de Jean-Paul Fargier, qui a suivi une partie du montage du film et qui a publié, j'y reviendrai dans un instant, une série d'articles au Premier Cahier du Cinéma au moment de la sortie du film. Et nous accueillerons également Nicolas Hatzfeld, qui également donc a publié un texte sur ce film. Donc, comme l'a indiqué Alain, Hélène Châtelain ne pourra pas être présente ce soir, elle est hélas souffrante. Nous accueillons donc Stéphane Gatti, réalisateur, Jean-Paul Fargier, critique, réalisateur, et nous attendons donc Nicolas Hatzfeld, qui est historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Évry. On m'a signalé également la présence d'un invité surprise, à savoir Yves Cohen, qui est historien, ancien établi chez Peugeot à Sochaux au moment même du tournage. Donc, qui n'est pas encore arrivé. D'accord. Donc s'il vient, il pourra également intervenir. Un petit mot également pour adresser quelques remerciements donc des personnes qui nous ont aidés à préparer cette séance. Tout d'abord, Jean-Jacques Occard et Tiffany Anton pour la mise à disposition des archives de la parole errante qui nous ont beaucoup aidés à préparer la séance et notamment le PowerPoint qui vous allez pouvoir voir sur l'écran, des documents écrits, des articles de presse, des affiches, des photos qui renseignent beaucoup sur l'expérience du lion, la cage et ses ailes. Mais aussi Christian Chirakadze, donc qui est aussi un des participants du film, notamment du film géorgien, que nous avons, avec qui nous avons pu faire un entretien téléphonique, mais qui malheureusement n'a pas pu être présent ce soir. Signalons enfin que la série Le Lion, sa cage et ses ailes a été éditée en coffret DVD aux éditions Montparnasse, dans la collection Le geste expérimental, dirigée par Nicole Brenez et Dominique Paini. Bon, c'est assez rare, on a beaucoup parlé de vidéos qui n'avaient pas fait l'objet forcément d'édition, donc là, on a effectivement un film, une série qui a été éditée, donc facilement disponible. Je voulais ajouter également une série de textes aussi qui nous ont été utiles pour préparer la séance. Donc les textes ont été publiés donc, au Cahier du cinéma, le texte de Jean-Paul Fargier, Le courant alternatif, qui avait été suivi par deux longs entretiens en forme de récits de tournage avec Armand Gatti et avec Hélène Châtelain, qui ont été publiés dans les Cahiers du cinéma numéro 285 en février 78 et numéro 287 en avril 78, en collaboration, je crois, avec Serge Le Perron et Serge Toubiana. Et je signale également le texte de Nicolas Hatzfeld, Montbéliard, l'immigration ouvrière filmée à fresco, Cahier Armand Gatti numéro 2, en mars 2011, qui est accompagné d'un entretien avec Hélène Châtelain et Stéphane Gatti. Une bonne partie de ces textes se trouve précisément dans le coffret DVD, donc en document PDF, donc vous pouvez là aussi les consulter. Donc voilà pour ces quelques éléments d'introduction.